528, activation, oral comprehension. Ne pas. You will hear a series of phrases. Indicate whether they are affirmative, oui, or negative, non, by checking the appropriate box. Listen for the words ne pas. 1. Il travaille. 2. Il n'aime pas ça. 3. Il est ingénieur. 4. Mais il n'est pas chez Renault. 5. Il n'est pas riche. 6. Il est plutôt pauvre. 7. Pourtant, il a une jolie maison. 8. Vous parlez bien français. 9. Oui, mais ce n'est pas facile. 10. Mes parents sont japonais. 11. Mais vous avez des amis français. 12. Ça ne va pas fort. 13. Je n'ai pas de chance. 14. Je n'ai pas de sœur. 15. Ah, je vois, vous avez des complexes. 16. Parlons de vos complexes. 17. Nous n'avons pas le temps.